Aïe. Un pire. Métis. Double conscience. Hein? Comme un intrus, je m'incruste sur l'instrumental. Le hardcore à brutal qui réclame du Hannibal. Oh, Hannibal, j'ai rien. Non, Hannibalèse. Non, Hannibalèse. Le son qui te met Hannibalèse. Salope, tu veux savoir combien je pèse? Les règles sont simples, montre-moi comment tu baises. Pop, pop, je risque d'en choquer plus d'une. Pop, pop, pop, rien n'a foutre que t'es plus qu'une. En absence de lumière, les ténèbres règnent. J'irai mieux quand ma mère vivra comme une reine. Quand j'aurai Dieu, que pour Dieu. Risque ta vie pour le paradis, mais pas pour un dieu. Si le rap est mort, dis-toi que je rappe depuis l'au-delà. Au-delà, tu vois que mon équipe et moi on est là. Dans le hall où ça parle d'argent, drogue, sexe et gun. Rien que tu m'y donnes, HD dealer, fermez tous ta gueule. Ghetto, 54, Kaira, c'est la mère. Habit, métis, double conscience, trop Kaira. Soldat 54, tu vas vite comprendre pourquoi. Venir nous tester, vas-y, essaye pour voir. Ghetto 54, Kaira, c'est la merde. Habit, métis, double conscience, trop Kaira. Soldat 54, tu vas vite comprendre pourquoi. Venir nous tester, vas-y, essaye pour voir. J'ai l'esprit ghetto, l'attitude ghetto. J'ai grandi dans un ghetto et je veux mourir dans ce ghetto. J'ai pris le mic très tôt, appris à manier les mots. Si ce couplet n'est qu'une démo, imagine-toi le négo. Flotte fou le barreau, j'ai l'intelligence ghetto. Car jusqu'ici j'ai esquive les barreaux. La rue m'a pris au berceau, m'a élevé, mon durci. Depuis je suis son fardeau. Comme tout le monde j'ai la dalle, je veux ma part du gâteau. On rêve de fortune depuis l'époque du préau. On veut pécho la chance, mais elle nous fait des râteaux. Marianne fait gaffe, je suis monté comme un tôle. Le scénario de nos vies nous expose. Un zoo où nous sommes les animaux. Très peu comprennent le sens de mes propos. Je suis un putain de guerrier au micro. Posté dans un studio avec pour seule mission de kicker dans le tempo en parlant de mes mots. Ghetto, ghetto, Kaira, c'est la merde. Abîmé, tu double conscience, trop, trop, Kaira. Soldat 54, tu vas vite comprendre pourquoi. Venir nous tester, vas-y, et c'est pour voir. Ghetto, ghetto, 54, c'est la merde. Abîmé, tu double conscience, trop, trop, Kaira. Soldat 54, tu vas vite comprendre pourquoi. Venir nous tester, vas-y, et c'est pour voir. Y'a trop de putes sur terre, ouais, mais moi je les enterre, ouais. Si ton colon est pas rentable, tu veux m'écouter, vas-y, pas besoin de contrôle parental. J'ai la négroïde dans les gènes, pas grave si tu me trouves hideux ou bien que je te gêne. Je garde l'instinct d'un noir quand je suis face à la bouffe. Nique sa mère les petites putes qui se prennent pour des ouf. Ah, dis-moi pourquoi tu louches. Est-ce que ma waouh, tu veux te la prendre dans la bouche? Non, je m'aurais pas si rien, pourquoi j'en sais rien. Mais je suis nord aujourd'hui, elle restera demain. Dans le rap je débute, dans pas de la belle. Demain c'est range tes ailes, arrête de vouloir jouer la belle. Car l'état je les baise à l'aise, dans le rap j'ai niveau, je suis trop balèze. Ah, t'as gâché ta vie si salement, mais si seulement te haïr serait tellement immonde. Mais moi j'inonde les ondes de mon inspiration. C'est Dieu des passes de ouf et chat à chaque expiration. Ghetto 54, c'est la merde. Abimitis double conscience, trop, trop Kaira. Soldat 54, tu vas vite recomprendre pourquoi. Venir nous tester, vas-y, essaie pour voir. Ghetto 54, c'est la merde. Abimitis double conscience, trop, trop Kaira. Soldat 54, tu vas vite recomprendre pourquoi. Venir nous tester, vas-y, essaie pour voir. La tristesse me file. Ça fait un bail que la poisse me fixe. Je veux faire des tubes, faire des thunes. Y'a que des frères têtus. Les leçons on les a notées, apprises, même notées. Moi et mes frères on veut grignoter. Les flics sont ravis, le fric nous ravit. Sur du gravier, on gravit. On grimpe et on gratte vite. Y'a trop de parloirs fantômes. Moi et mes frères on est des casse-vitres. Des casse-vitrines, alors dédicace vite. La tristesse me file, la tristesse me fixe. La prise de tête me file. La rage, le micro, mon cœur l'arrache. Mon cœur l'arrache, je pars pas. Je suis pas un colosse, des rimes j'en ai des colonnes. Je suis en colère, je remonte la colline. La rue c'est pas un colis, c'est pas un poker. Y'a que des putes pocket au micro, je suis à l'ange roquette. Je détale des rimes, moi j'en ai des tonnes. Des grammes j'en pigrate des tonnes. 10K, c'est ma plume qui déconne. Ghetto 54, Kaira, c'est la merde. Habit, multi, double conscience, au Kaira. Soldat 54, tu vas vite comprendre pourquoi. Venir nous tester, vas-y, laissez-nous voir. Ghetto sous la 34 Kaira. C'est la mer, Happy, mutis, double conscience, gros Kaira. Soldat 54, tu vas vite, pour prendre pourquoi. Venir nous aider, vas-y, essaye pour voir. Ghetto soldat, c'est la mer, Happy, mutis, double conscience, trop Kaira. Soldat 54, tu vas vite comprendre pourquoi. Venir nous tester, vas-y, essaye pour voir. Soldat 54, tu vas vite comprendre pourquoi. Venir nous tester, vas-y, essaye pour voir. Soldat 54, tu vas vite comprendre pourquoi. Venir nous tester, vas-y, essaye pour voir. On est dans le ghetto, on vit dans le ghetto, on meurt dans le ghetto. Abby est trop ghetto, métis est trop ghetto, double conscience c'est trop ghetto, Vendette c'est trop ghetto, Cali c'est trop ghetto, 54 c'est trop ghetto, Meurthe et Moselle c'est trop ghetto, meurtre et oseille c'est trop ghetto. C'est la merde, les vices, nous vices, entre les femmes et les bisous, entre les flingues et les bijoux, j'y.